magistral, poussé par le mistral, iode et le nitrate, crâne de cristal, je laisse place à la lumière comme le vitrail. Quand une désinformation virale me mitraille, ma foi, tabassé à mort à poste, là j'ai fini par lâcher la crosse. J'ai rendu mon arme avant d'en passer à gauche, car pourquoi lutterai-je pour ceux qui vont massacrer la cause? Ne comptez pas sur moi, vous risqueriez très tôt de fausser vos calculs, vous en faire des rénaux. La raison ne réside plus dans le réseau, c'est l'hérésie inspirée à plein poumon avant la pleurésie. Ça pleure de la résine, dénuée de THC, grêle de griefs au gré d'une grêle d'aigreur grasse. Et les heures passent et les peurs classent, mais ne meurent pas, et les gueules jacques sans se délasser quand les problèmes ne font que se déplacer. Je ne suis pas là, désolé les gars, je ne dirai pas que je ne suis pas loin. Je ne viendrai pas, vous ne me ferez pas rentrer là-dedans. J'ai pas le temps et je n'aime pas tenter d'entrer dans les entrailles d'autres êtres humains sans les éventrer. Je vous le dis d'entrer, ne comptez pas sur moi. Mon passe dans le bon son, par les bastons dans les boîtes de gonds. Dans ce vaste monde, tant de choses à voir pour ne pas vouloir passer 4 secondes dans une boîte noire pour boire une bière à 10 dollars. Comptez pas sur mon compte épargne pour débarquer et vous apporter des packs. Sur le papier, ça aurait pu être pas mal. Une buvette pleine d'alcool, ambiance de balle folle, pas de foutage de gueule. À la première seconde, je gueule. À la première note de David, détache des gueules. C'est gueule dans Jim Maker. J'ai peur de ne pas tenir un quart de bière. Je préfère mon lit à ce rat de merde. Sur moi pour jauger vos avis sur les enjeux géographiques, ni donner le mien. J'ai dû sauter trop de chapitres pour certains prendre le mauvais train, mais j'ai eu le bac, ouais, oh les mains. Comptez pas sur moi pour la course de pénis en ligne et bien coiffé à la brosse chauffante, prêt à tout pour vendre la vessie remplie mais assoiffé. Les gangs, banques, les actions en bourse, les parachutes et les douches en or où elle est grande langue, les bras longs dans le boule, les amas de putes, c'est dégoûtant, bordel. Comptez pas sur moi pour gagner des thunes, si pour ça je dois baisser la tête. Vous voyez les culs, je vous vois, tout ça c'est déçu, mais sûr, mes grilles de valeur, il faut que vous sachiez, messieurs, vos poids lourds, pour moi c'est des plumes. Et que les fruits de votre labeur, pour moi c'est des prunes. Alors comptez pas sur ma pomme pour se marcher de légumes.